sûrement lié. Des histoires de bagnoles brûlées, surmédiatisées, feuilleton télé pour la France profonde, traumatisée. Résultat des cours, c'est la cité qui tombe dans le piège. Les CRS débarquent et en moins de deux, c'est l'état de siège. Les conseillers aussi à court d'idées, comme à l'accoutumée, ils ont rien trouvé de mieux. Leur prétention, c'est nous fliquer. Qu'espèrent-ils, leur respect se gagne pas. Avec les coups, un délinquant notoire, ils voient en chacun de nous. Les contrôles s'intensifient, faut qu'ils sécurisent. On trouve rarement un 357 dans le sac de friandises d'une petite qui passe par là, dans le cabas d'une Sheira. Celle tout elle n'importe quoi, paraît qu'il planche pour ça. Le quartier fait le jeu de la presse, comme un citron compresse. Compressé comme le Zetla, pour faire des ronds Roya. Suspicion permanente, on s'y perd maintenant. Y'en a plus d'un que ça hante, d'ouvrir les yeux il serait temps. Un, deux, trois soleils, personne n'a bougé, rien n'a changé. Les désœuvrés avancent toujours les yeux bandés. Des rêves de faux monnayeurs, des utopies de flambeurs. Des vies à contre-cœur, contre-carré le malheur. Des primes au Prozac, les joints se consument dans les actes. Coca, Skyride de coke, le réel on s'en moque. Leur car menaçant pour tuer le temps, main mise sur les passants. Passe-passe magie blanche, rupture de tueur sur gueule d'ange. Quartier aux mains liées, les gens fous alliés, prêts à tout bousiller. Cause du manque de billets, partir en billets, encaisser sans sourciller. Refuser la fatalité, ou du moins essayer. Quartier aux mains liées, les gens fous alliés, prêts à tout bousiller, cause du manque de billets, partir en vrillier, encaisser sans sourciller, refuser la fatalité, ou du moins essayer. Dans mes yeux, un amas de pierres, les larmes ont été séchées par ces vents qui soufflent depuis trop longtemps. On refait le film, jeunesse sans socle, si ce n'est celui du sacrifice. Et certains veulent que ces cris s'effacent. Foutaise, c'est comme une grossesse passée dans le stress. Le malaise finira tôt ou tard par s'exprimer. J'ai grandi dans un cadre où le sens du fraternel pousse à faire les choses à fond. Et j'en ai déjà vu plus d'un tomber. Ma plume, celle qui rend mes nuits en jour, lorsque le poids des pensées est trop lourd. À chaque étape de la vie, je refais le bilan de ma réflexion. Et pourquoi croire qu'on partait perdant? Je vous emmerde, ouais. On n'a plus le temps d'être objectif. Mendier devient un délit et fascisme étant qu'on va à l'essence. Qui sont les vrais chiens dangereux sans laisse? Ceux qui mordent à chaque coin de rue ou ceux qui tracent la route de l'oubli? On a tous usé nos Nike sur des vieux bancs niqués, ouais. On a tous gravé nos noms dans des caves désertées, claires. On a tous fumé pour s'évader en lousté. Mais l'innocence ne dure pas comme un repas vite avalé. Et le temps trace sa route avec son cortège de regrets. Au gré des ans, des enchants, je chante la gorge serrée. Les cités se contentent de ramasser les miettes laissées par la soi-disant société, les bienfaiteurs du progrès. Qu'anesthésie l'esprit critique des jeunes à coups de console. Une pensée pour les survivants et les sniffeurs de colle. Les petits tapent dans le ballon, côtoient les business de chichon. Les mecs qui pètent les plombs, les tristes histoires de zonzon. Je veux pas jeter la pierre à ceux qui font les cons. À quoi bon? Sur sous, je crois pas au hasard et je monte le ton. Toutes les cages à poules regorgent d'une foule sacrifiée, ouais. C'est un luxe de pays riche d'entretenir les paumés. C'est le talent et le potentiel des cités qu'on bâillonne. Poussé à bout, le chacal tour et rugit comme la lionne. Les bâtons dans les roues rendent l'individu prêt à tout. Emblématique de la génération qui se fout de tout. Je pourrais achever mon couplet sur un dicton. Je pour la vérité mec, donc pas de citation. C'est bon d'allier les mots vrais à la puissance du son. Je vois pas grand monde sur la place pour proposer les solutions. Quartier aux mains liées, les gens fous alliés, prêts à tout bousiller, cause du manque de billets. Partir en vriller, encaisser sans sourciller, refuser la fatalité ou du moins essayer. Quartier aux mains liées, les gens fous alliés, prêts à tout bousiller, cause du manque de billets. Partir en vriller, encaisser sans sourciller, refuser la fatalité ou du moins essayer. Quartier aux mains liées, les gens fous alliés, prêts à tout bousiller, cause du manque de billets. Partir en vriller, encaisser sans sourciller, refuser la fatalité ou du moins essayer. Quartier aux mains liées, les gens fous alliés, prêts à tout bousiller, cause du manque de billets. Partir en vriller, encaisser sans sourciller, refuser la fatalité ou du moins essayer.